félicité la Corée du Sud de la réussite au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14, le groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et le cercle d'études des idées du Jutsu de Moscou de Russie ont publié respectivement le 4 juillet une déclaration. Et l'association d'amitié et de solidarité Italie-République populaire démocratique de Corée et la filiale italienne de l'association d'amitié avec la Corée ont publié une déclaration commune.